sœur, des sœurs tisseuses de violettes, une ardente veille blêmit tes joues, danse, et que les rythmes aigus dénouent tes bandelettes. Vase svelte, fresque mouvante et souple, danse, danse, paume vers nous tendues, pieds étroits fuyant tel des ailes nues qu'Héros découple. Sois la fleur multiple un peu balancée, sois l'écharpe offerte au désir qui change, sois la lampe chaste, la flamme étrange, sois la pensée. Danse, danse au chant de ma flûte creuse, sœur des sœurs divines. La moiteur glisse, baiser fin, le long de ta hanche lisse.